107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. De l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Jackie Monin. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, ben ça va. Actuellement en marche sur les roues du Rouge Gazon. On fait notre marche hebdomadaire qui est du mardi, mais là on l'a fait mercredi à cause du 15 août. Les Amis de la Nature, c'est une association de Remiremont à but non lucratif et qui est régie par la loi de 1901. Nous gérons un refuge de montagne au lieu dit L'Abeuil à Rue-sur-Moselle. Et comme là, comme ce matin, nous proposons des activités de tourisme et de loisirs respectueux de l'environnement et socialement compatibles. Voilà, bien sûr, notre but principal est de faire connaître et aimer la nature et en conséquence la protéger. Pourquoi ça s'appelle les Amis de la Nature de Remiremont alors que c'est à Rue-sur-Moselle? Alors, notre siège social est à Remiremont. Nous sommes une association donc de Remiremont, nous faisons partie intégrante de Remiremont. Par contre, nous avons un chalet refuge qui se trouve sur la commune de Rue-sur-Moselle, au lieu dit L'Abeuil. Et depuis quand est-ce qu'elle existe, l'association? Alors, l'association, c'est une association qui est internationale. Ça a débuté en Autriche il y a 135 ans et ça s'est étendu en Suisse, en Allemagne, en Autriche, France. Il y en a même maintenant aux États-Unis, au Gabon. Enfin, c'est international. Hein. Voilà. Et nous, notre association est née en 1935. Et les Amis de la Nature de cette époque-là ont acheté cette maison en 1937 avec leurs propres moyens. Et depuis quand est-ce que vous en faites partie, vous? Alors moi, j'en fais partie depuis 1984, qui a déjà un petit bout de temps. Et en 86, j'ai commencé à organiser des randonnées sur la journée ou sur plusieurs jours, week-ends, etc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre, l'association? Un ami qui m'a dit qu'il faisait partie des Amis de la Nature et il faisait également des sorties spéléo à cette époque-là. Et comme je suis natif du Haut-Doubs, j'étais également petit spéléologue, j'allais visiter certaines grottes. J'ai dit pourquoi pas et l'ambiance m'a plu et je suis donc resté aux Amis de la Nature. Et combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents actuellement dans l'association? On devrait être, si mes chiffres sont bons, 154 inscrits. Et qu'est-ce qu'ils font les bénévoles dans l'association? Alors, si vous voulez, je peux vous dire ce que nous faisons comme activité. Nous proposons déjà, comme aujourd'hui, une marche hebdomadaire, tous les mardis. C'est soit à la journée ou l'après-midi, c'est suivant le temps. Nous faisons également des fois sur le week-end ou en séjour d'une semaine, voire plus. Soit en France ou même, ça nous est déjà arrivé, à l'étranger. Suisse, Autriche, etc. On reste principalement dans nos chalets. Sur la France, vous avez pratiquement 64 chalets des Amis de la Nature. Donc on essaye de les faire marcher au mieux. Il y a également de la danse. Selon la méthode Malkowski, tous les vendredis de 18h15 à 19h45. Nous proposons aussi des cours d'aquarelle une fois par mois. Nous faisons également en hiver des sorties raquettes. Bien sûr, il y a l'entretien du chalet. Faut bien l'entretenir parce que c'est que les bénévoles qui entretiennent ce chalet. Nous organisons aussi des concours de Scrabble, de tarot ou de pétanque. Nous participons également au marché de Noël que Remiremont organise, ainsi que nous faisons la marche du cœur et participons à la marche des illuminations avec le Club Vosgien. Voilà un peu toutes les activités photo et bien sûr l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, l'activité photo avec des sorties à thème. Nous allons maintenant parler de l'événement qui se déroule depuis le 1er juillet autour du chalet de la Beuille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, nous avons une activité photo. Et c'est la quatrième fois que nous organisons une exposition photo qui se trouve en plein air autour de notre chalet de la Beuille. Elle rencontre de plus en plus de succès. Cette année, malgré le temps, nous avons déjà eu pas mal de visites. Les personnes qui viennent nous rendre visite, bien sûr, bénéficient également d'un super panorama sur la vallée de la Moselle et les ballons d'Alsace et de Cervantes. Le but principal de cette exposition est de montrer au public ce que nous prenons lors de nos différentes sorties. Puis on fait des sorties à thème, comme bientôt on va faire une sortie champignon, on a fait des sorties cascades. Ça concerne un peu toujours la nature, hein, bien sûr, bien entendu. Pour le thème de cette année, c'est le coup de cœur du photographe. Alors on a fait un peu une exception à la règle, c'est-à-dire qu'on est 9 photographes, dont je précise que le plus jeune a 15 ans, on a décidé que c'était le coup de cœur du photographe. Donc, il y en a qui ont mis des photos autres que sur les Vosges. Par exemple, vous en avez sur l'île de la Réunion. Vous en avez des Açores et vous en avez de Patagonie. Ça qui sont magnifiques, c'est tout ce thème-là est magnifique. Et donc, nous, ben, on a fait faune, flore, et moi, j'ai même mis 2 fermes vosgiennes. Et c'est quoi le format des photos? C'est exposé sur une bâche, c'est ça? Alors, le format des photos, oui, c'est sur bâche. Pourquoi sur bâche? Parce que c'est moins fragile et ça craint pas les intempéries. Le format, le plus petit format, ça doit être 90-60, et on monte jusqu'à 128 sur 72 cm. Donc c'est déjà des belles photos. La qualité est, sur bâche est moins bonne que si on faisait sur Dibon ou autre support, mais par contre, c'est joli à voir. Il faut la regarder plus éloignée que trop proche. Et il y aura combien de photos exposées à peu près? Alors, on a exposé 59 photos, exactement, qui sont donc tout autour de notre chalet. Et c'est complètement, la visite est gratuite. Hein. Les gens viennent, ils regardent et ils s'en vont. S'ils veulent voir notre chalet, on fait visiter notre chalet. Et justement, la visite du chalet, est-ce qu'elle est gratuite ou pas? Ah ben tout à fait, parce que les gens ne connaissent pas trop notre association, ils ne savent pas ce qu'on fait exactement. Mais nous, c'est un chalet-refuge qui peut accueillir soit des familles, des groupes, des randonneurs, en proposant des chambres de 2, 3, 5 et 7 lits, ou un total de 44 places. La cuisine et les sanitaires sont bien sûr en commun. Et comment ça s'organise un tel événement? Eh bien, tout au cours de l'année, donc, on a notre sortie et après, on se réunit, hein, parce qu'on a nos sorties à thème, bien sûr, mais on a une rencontre à peu près une fois par mois ou voire tous les 2 mois où on discute de nos photos prises. Et là, on peut s'apercevoir des photos qui pourraient être exposées, qu'on en parle, et après, c'est au photographe à nous dire combien il va en exposer. Et nous faisons les encadrements, tout ça, et après, on a une ou 2 journées de préparation pour le montage de l'expo. Et qui s'occupe de tout ça? Alors, on est tous liés un peu les uns aux autres, mais principalement, on va dire que je suis un peu le leader de ça. C'est moi qui propose aux gens et puis on en discute tous, mais il n'y a pas de chef à proprement dit, si on veut dire. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la photo, vous? Ah ben moi, c'est de pouvoir montrer aux gens ce qu'on découvre, nous, dans nos randonnées, tout ça. Pouvoir montrer, oui, aux gens ce que la nature offre. Est-ce que vous avez des futurs projets après l'exposition avec l'association? Ben moi, j'espère toujours que l'année prochaine, on puisse en faire notre 5e édition. Maintenant, on verra en début d'année. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir plus de bénévoles et encore plus d'activités peut faire partie de vos projets aussi? Ah ben tout à fait, mais il faut savoir que nous, c'est à but non lucratif. Donc, on fait ça bénévolement. Et il faut que la personne qui propose une activité s'en occupe. C'est pas le coup de dire, ah ben moi je vais faire ça et puis après laisser tomber au bout de 2 fois. Non, il faut s'en occuper. Après, si elle s'engage, il faut s'en occuper par la suite. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux pour vous suivre ou vous contacter? Alors, bien sûr, on a un site. Le nom, c'est aminatureremiremont.org. Et voilà, et dessus, vous avez tout, tout est marqué. Tout est indiqué. Aussi, même si vous voulez réserver des chambres ou tout ça, il n'y a pas de problème. Ça se fait directement. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association? Dans le meilleur des cas, qu'elle perdure encore longtemps, hein, parce que je vous dis, depuis 1935 qu'elle existe, j'espère qu'on aura encore de belles années devant nous. Mais il y a un petit bémol là-dessus, c'est que les jeunes ne s'impliquent moins qu'avant. Voilà, donc nous, il nous faudrait des jeunes. D'accord, bah, l'appel est lancé à nos auditeurs. Cette interview est maintenant terminée. Jackie, merci d'avoir été avec nous. Voilà, ben c'est moi qui vous remercie. Et là, je vais rejoindre mes collègues maintenant. J'ai pris un autre chemin et on va aller faire le lac des Perches. D'accord. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on se rappellera l'année prochaine. Bien sûr, moi aussi. Super. J'espère également que de nombreuses personnes viendront voir l'exposition qui se déroule depuis le 1er juillet et le sera jusqu'au 30 septembre à Rupt-sur-Moselle. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde.